C'est parti, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à l'écoute de Sorgia FM pour cette émission. Aujourd'hui, figure de notre région, nous accueillons notre 142e figure de notre région. Cette figure, c'est Gilbert Tonin. Bonjour Gilbert. Bonjour. Comment ça va? Bien. Vous avez bien dormi? Pas trop. C'est vrai? Ça vous inquiétait ce rendez-vous? Ouais, un peu. Bon, vous allez voir, ça va très très bien se passer. Gilbert Tonin, vous êtes l'un des derniers de ce monde à avoir connu le maquis, la résistance, la guerre. 74 ans après ces événements, la mémoire, votre mémoire reste vive, même si de temps en temps on oublie un nom, on oublie un lieu. Notre invité se souvient très bien de ce qui s'est passé. Dans cette émission, Gilbert, on va vous entendre. Vous allez prononcer des noms, Marinet, Roman Petit, le camp Michel, des noms de lieux, le Tabagneau, le lac Genin, la plaine des Chalons. Oh bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. La deuxième partie de cette émission sera plus consacrée à votre carrière professionnelle. Une belle carrière dans le textile. Voilà pour quelques éléments qui cadrent plus ou moins notre invité, parce qu'il a beaucoup de choses à dire, alors je vais être bref. Merci Gilbert d'être là, je vais être bref et laisser la parole à mon ami Guy Catelan. Merci Ludo d'être derrière les manettes. Merci Robert de cette introduction. Bonjour Gilbert, bienvenue. Bonjour. Bienvenue dans cette émission qui vous est consacrée aujourd'hui. Merci à Ludo, bien évidemment. Et puis un petit coucou à Evelyne. Evelyne. je suis à l'antenne. Vous avez déjeuné avec elle? Ouais. Ah bon. Quelques mots sur la vie de Gilbert Tonin. Né à Brison-Saint-Innocent, en Savoie voisine, il y a 93 ans, le 21 mars 1926, vous aviez 10 ans à l'époque du Front Populaire. Eh oui, c'était une belle époque. Ah ouais. Et le lac du Bourget a bercé un peu votre enfance aussi. Hein. Ah ouais. Né dans une famille cheminote, Lucien, votre père employé SNCF, et Adeline, mère au foyer, votre maman, ainsi que votre sœur. C'est une petite famille classique qui vit paisiblement dans ce petit village savoyard. Mais un beau jour, pour des raisons professionnelles, toute la famille arrive à Bellegarde, 25 rue Berthelat, votre papa ayant été affecté en gare de Bellegarde. Période difficile, mais vie somme toute assez agréable. Puis vient l'époque de la guerre. Vous avez 14 ans et là, c'est moins facile. À 18 ans, vous prenez le maquis en rejoignant le camp Michel Bénat à la Raymond, sur le plateau de Rotor, du côté du Quatrais, avec également M. Dujoux et Dubuisson. De Vouvray. Après avoir suivi méticuleusement les conseils de M. Marinet, père de Jean Marinet, également maquisard, le groupe Bénat du maquis nord, parce qu'il faut préciser qu'il y avait deux secteurs, sud. Le nord et le sud, voilà. Vous étiez vous dans le maquis nord, opérait dans le secteur de port et avait pour mission la protection du quartier général et les parachutages d'armes, munitions, victuailles, etc., etc., dont il assurait la protection et l'encadrement en délimitant la zone de largage. La bataille faisait rage dans le secteur, particulièrement à Nantua, qui était occupé par l'armée allemande. Ouais. Sous l'impulsion du commandant Roman Petit, chef des maquisards, Nantua est libéré, mais pas pour longtemps, malheureusement. L'offensive allemande a été trop forte et le maquis a dû battre en retrait, laissant à nouveau la sous-préfecture sur l'occupation allemande. Retranché à Balvet, autre camp dans les environs de Nantua, vous y retrouvez un certain nombre d'officiers. Elops, dit Xavier, officier anglais, Johnson, dit Paul, colonel américain, Raymond Aubry, dit Lajoie, français, Marcel Veilleux, dit Yvelot, canadien. Bien d'attentats ont été exécutés, notamment la destruction du chemin de fer qui véhiculait le gros matériel allemand. Se déplaçant sans cesse pour ne pas être découvert d'un endroit à un autre, vous vous retrouvez après le col du Bertian, le lac Genin, au Tabagneau, au Rousses, dans le Jura. Le fort des Rousses, mauvais souvenir, a été témoin de grands événements. Occupé par l'armée allemande, des atrocités y ont été commises. La population exaspérée a été soulagée par l'intervention des maquisards qui ont fait prisonnier 83 soldats allemands. La grande nouvelle tombe le 8 mai 1945. La guerre est fini. L'Allemagne signe la capitulation. Et là, c'est la joie du groupe qui se rend à Divonne pour faire la fête, hein, eh oui, et prend quelques jours de repos bien mérités. Retour à la vie civile en novembre 1945. Vous vous mariez avec Paulette le 30 juillet 49, avec laquelle vous aurez un fils, Bernard. Votre parcours professionnel est assez atypique. Hein. Barrage de Tignes, le Jabi, Lavable, entreprise américaine. Mais vous vous parlez aussi de tout cela au cours de cette émission qui vous est consacrée, Gilbert. Sans oublier votre rencontre avec Evelyne, la compagne qui partage votre vie aujourd'hui et à qui on fait un gros petit bisou. Un gros petit bisou. Hein? Depuis 1990, que vous rencontriez lors d'une visite, lors d'une fête festive. Quelques années après le décès de votre épouse Paulette. Aujourd'hui, à 93 ans, à quelques mois des 94, vous êtes toujours sur la sellette puisque vous êtes toujours administrateur d'une société que vous aviez fondée avec votre associé Henri de Wilder, dans le Nord, et qui compte aujourd'hui plus de 300 personnes. De tout cela, et plus encore, vous allez nous en parler. Surtout, vous nous direz où vous puisez toute cette énergie qui vous motive malgré ces années qui alourdissent vos épaules et vos jambes aussi. Voilà, j'ai fini, Gilbert. Mais c'est parfait. C'est tout à fait exact ce que tu as dit, Guy. Moi, je pense que, bon, j'ai eu une vie bien remplie. Par contre, je regrette ma jeunesse dans la mesure où, depuis l'âge de 14 ans jusqu'à 21 ans, j'ai souffert de la faim. J'ai eu faim. J'ai pleuré d'avoir faim. Dans les années 42-43, parce que les Allemands ont dit à Belgarde, c'était une zone libre. Oui, c'était une zone libre, mais il y avait des Allemands dans tous les hôtels de Belgarde. La colonne de Paris, la paix et le terminus. Il y avait les commandants tour. Alors donc, bon, paraît-il, c'était des douaniers. Mais en attendant, ils étaient là. Moi, j'habitais à côté de l'hôtel de la paix et je passais 4 fois par jour devant eux, hein, qui étaient sur la terrasse. Alors j'en avais un peu ras la casquette de leur voir ces gars-là. Et on travaillait avec eux. J'étais bien copain avec un nommé Maurice Dujou, qui était des cités. Et un jour, on reçoit de la mairie de Bellegarde une convocation où il y a marqué... Gilbert Tonin, vous êtes requis civil. Alors moi, qu'est-ce que c'est qu'un requis civil quand t'as 18 ans? Bon, alors il fallait que je me rende à la mairie. Je vais à la mairie. Je dis, oh ben, c'est pas là, il faut monter à la gare, voir les renseignements généraux. Et là, ils vous diront ce qu'il faut faire. Alors on monte à la gare. Et on se présente. Ah, vous voilà. Bon, ben, prenez les fusils, là. Il y avait 2 fusils de chasse. J'avais jamais touché un fusil de chasse de ma vie. Hein, il me donne un fusil. Alors, je sais pourquoi faire. On me dit, il faut patrouiller, là, sur les voies jusqu'à la rotonde, parce qu'il y a des locomotives. Alors, on sait jamais. Les maquis, ils pourraient venir les faire sauter. Et je lui dis... C'est des officiers allemands qui vous avaient donné le fusil? C'est des officiers allemands qui vous avaient donné les fusils à la gare. À la gare. Les renseignements. Les renseignements généraux. Les renseignements généraux. Ouais, d'accord. Ouais, les renseignements généraux. Les policiers du renseignement. D'accord. Alors, c'est eux qui géraient la gare. Alors, bon, on prend les fusils, et puis, on n'avait pas de montre, on n'avait pas d'heure. Alors, on s'est baladé sur les voies. Il faisait grand nuit parce que les lumières étaient toutes peintes en bleu à l'époque. Alors, on voyait rien. Alors, je dis à Maurice, on ne va pas s'emmerder. Hein. On va choisir un wagon de première classe et puis on va dormir. Alors, du coup, on a choisi parce qu'à l'époque, les premières classes, c'était quelque chose. Tout en velours. Et on attendait, on était là, que les heures passent. Alors, de temps en temps, on allait voir l'heure à la grande horloge qui était sur le quai. Et puis, on retournait jusqu'à 3h30 du matin. Après, on s'est approché du commissariat de police. Puis, il dit, bon, on vient rendre des fusils, il n'y a rien à signaler. Alors, bon, les gars, bon, je descends. Et il dit, non, je commence à 4h du matin, moi, mon boulot. Alors, je descends à la maison, ma mère criait, mais tu as vu l'heure hein? Bon, c'est comme ça. Hein? Alors, je descends au boulot. Et ça nous turlupinait. Je lui dis, maintenant, ils nous connaissent. Et toutes les fois qu'ils ont besoin de nous, ils vont nous envoyer une convocation. Là, je dis, il faut. J'ai entendu parler du maquis, mais je ne sais pas où ils sont. On irait bien au maquis. Alors, j'ai été voir le monsieur Marinet, qui tenait à l'époque un magasin qui s'appelait La ménagère, oui. Qui se trouvait dessous la colonne, juste à l'entrée de l'Ojabi. Alors, bon, il nous dit, bon, les gars, il faut aller voir Dubuisson, Robert Dubuisson. Lui, il connaît mieux. Alors, on est monté à Vouvray. Je ne connaissais pas Vouvray. Parce qu'à l'époque, pendant toute la guerre, on ne sortait pas de Bellegarde. Et on n'avait pas de moyens de locomotion. Et on restait là, en zone occupée, on peut dire. Je ne connaissais pas Vouvray. Alors, on monte à Vouvray quand même, on trouve. Et on demande après M. Dubuisson. Alors, au bout d'un moment, il vient, puis on voudrait aller au maquis, mais on ne sait pas où c'est. Alors, il dit, bon, ben, vous prenez la route, là, qui monte à Cuvéry, et vous montez, et puis on vous arrêtera un moment. Je vous coupe une seconde, Gilbert. Vous ne saviez pas du tout ce que c'était que le maquis? Non, je ne savais pas. J'en entendais parler. C'était des résistants... au STO, surtout. Service du travail obligatoire. Oui, service du travail obligatoire. Et moi, ce n'était pas du service obligatoire. C'était à cause de ce requis civil pour aller garder les voies. Ça ne me plaisait pas. Parce que, imaginez-vous deux secondes que le maquis arrive ce soir où nous étions de garde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'aurais pas tiré, hein, je me serais mis avec eux. Je dis, je m'engage avec vous. Et on n'a pas eu la visite des maquis, mais moi, j'ai dit, il n'y a qu'une chose, pour pas que ça se renouvelle ces réquisitions, je vais partir au maquis, comme ça, au moins si on se fait descendre, on se va descendre pour la bonne cause. Et on est monté à Vouvray. On est arrivé à Cuvéré. Alors là, à peine arrivé, on est encerclé par les maquis du lieu. Alors, d'où vous venez, vous allez à un passage au montrer nos cartes d'identité. Et puis on dit, nous, on vient rejoindre le maquis parce que ça, il est arrivé ça. Alors, bon, il nous emmène vers le lieutenant. Et le lieutenant, c'était Montréal. Montréal, il était de Lacluse. Non, il était plutôt de Montréal. Et il avait pris le nom de son bled comme nom de maquis. Alors, bon, ils nous intègrent. Alors, ils nous ont questionnés, ils nous intègrent. Et après, ils répartissaient toutes les recrues à droite et à gauche dans les camps. Et moi, ils m'ont mis tout de suite... Pendant 8 jours, j'étais avec le camp Étienne. Et puis après, ils en avaient trop, ils en ont donné au camp Michel. Alors j'ai fait partie du camp Michel. Et ce camp Michel, c'était quelqu'un, ce Michel. Il a fini colonel de l'aviation. Et il était bien. À l'époque, il était lieutenant. Et c'était un bon battant. Et donc là, j'ai appris pas mal de choses pour les armes, tout. Et lui, il était spécialisé à faire des parachutages, quand il y avait des parachutages. Alors donc, premier parachutage, port à côté de la Cluse, c'était début juin. Je ne sais même pas si c'était pas le 6 juin, autant que je me souvienne si. Alors, un gros parachutage de nuit, hein, et on ramasse les conteneurs, on les charge sur les chars à bœufs, les chars à chevaux, réquisitionnés sur les camionnettes quand on avait une, et puis on a emmené ça dans des grottes, dans des caches pour les planquer et pour après les distribuer à divers maquis. Hein. Alors donc, ça me plaisait bien, on a fait ça. Et après, bon, on veillait le camp, on encerclait le PC de commandant pour qu'il soit protégé. Et il s'est passé une chose. Hein. Alors, donc, on était de garde tout autour. Oui, alors donc, on était à l'époque au Balvet. Au Balvet, c'est quand vous montez la... Pour que vous allez à Bourg-en-Bresse, que vous montez le col du Bertien. Derrière l'hôtel-restaurant, il y a une route qui descend au Balvet. Et là, il y avait deux, trois fermes qui ont servi de quartier général pendant quelques jours au commandant, Romain Petit. Alors nous, on encerclait pour le protéger. Et un soir, c'était minuit ou une heure du matin, je vois un gars, un lieutenant, qui passait la visite. Il regardait les gardes, s'ils étaient bien, s'il y avait quelque chose à signaler. Et je ne connaissais pas, moi, ce gars-là. Je ne l'avais jamais vu. Et on le nommait, il disait, être un Alsacien. Ah bon? Alors, bon, pourquoi pas, hein? Et il est venu vers moi, il m'a demandé s'il y avait quelque chose que j'avais vu ou pas. Je lui ai dit non, moi, je n'ai rien vu. Alors, il allait de l'un à l'autre, dans la forêt. On était parsemés, là. Et il est arrivé vers un gars que je n'ai même pas vu. Et il lui a fait la même remarque que moi. Et le gars, il a vu qu'il avait une lampe de poche et qu'il faisait des signaux avec sa lampe de poche. Parce qu'il faut dire que le bois était pas loin de la route qui allait à Bourg-en-Bresse, le Bertien, quoi. Alors, il y avait les Allemands qui montaient la route, parce qu'ils essayaient de nous kidnapper. Mais alors donc, on l'a fait prisonnier, ce lieutenant. Et puis il a dit, ouais, je suis officiellement. Et on lui a dit, ben, tenez une pelle. Vous allez creuser votre trou. Et c'est ce qu'il a fait. Alors, je serais presque... Je ne sais pas s'il est toujours dans le trou. Hein. Parce que depuis... Il n'y avait pas beaucoup de témoins. Hein. Ouais. On était une dizaine. Hein. Et est-ce qu'ils l'ont enlevé après? Je ne sais pas, je n'ai plus su. Alors donc, nous, on l'a fusillé. Il est tombé dans le trou. On a rebouché. Et puis, on a continué. Et le lendemain matin, on a dégagé parce que ça sentait le chaud. Ça sentait le chaud, ouais. Alors du coup... Alors de nuit, on marchait de nuit, chargés comme des mules, fusils mitrailleurs, parce qu'on était bien armés. Hein. Nous, on faisait les parachutages. Bien sûr. Alors bien on sûr. Se servait bien. Hein. Alors on était très très bien armés, mais il fallait porter tout ça. Hein. Alors donc, ils disaient bon, on change de camp. Alors le soir, on s'arnage de tout, et à pied, on descend à peu près à la hauteur. Comment ça s'appelle, hein, entre la Cluse et Oyonnax, un petit bled. Dortan. Oui, par là, Dortan. Et on traverse la route, deux par deux. Il y avait des patrouilles allemandes, parce qu'il fallait traverser la route, parce que le but, c'était d'aller au lac Genin. Alors donc, on a crapahuté jusqu'au lac Genin. Et c'était... Il y avait le bâtiment d'aujourd'hui, mais c'est pas aménagé. Il y avait l'auberge. Et puis, il y avait une maison aussi. Oui, alors il y avait, au bout du lac de Genin, il y a une villa blanche, là, qui se trouve aussi pas loin de la route. Et c'est là que je logeais. Qui est toujours là, d'ailleurs, cette qui maison blanche. Qui est toujours blanche, là, oui. Et on a logé là. Et entre-temps, on est resté, je peux pas vous dire, quelques jours... On a fait un parachutage à la plaine des Chalons. Parce que ça y allait, là. J'ai fait 3 ou 4 parachutages. Hein. Parce que les officiers anglais-allemands, ils donnaient des ordres à Londres pour parachuter le maximum. Et on attendait de faire la jonction avec l'armée américaine qui avait débarqué en Normandie le 6 juin. Et donc... après, on est resté la Genin, et puis après, on est parti pour rejoindre les Rousses, où il y a un grand fort, gros fort militaire. Et dans ce fort militaire, il y avait des Allemands qui occupaient. Et nous, dans la région, on était au Tabagno. Le Tabagno, c'est un groupe d'hôtels, de petits hôtels. Les chambres, ce sont des petits chalets dans la butte. Et on logeait là. Et la population des Rousses s'est venue se plaindre que les Allemands faisaient des atrocités. Alors, ils sortaient du fort la nuit et prenaient le ravitaillement, les vaches, enfin tout ce qu'ils pouvaient pour se nourrir. Et là, ils ont fait des atrocités. Ils ont crucifié une femme enceinte sur une porte de grange. Hein? Et ils ont coupé un gars à l'acier circulaire entre deux planches. Alors quand on vous dit ça, ça nous a laissé un peu... Alors bon, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils étaient rentrés dans leur fort... On pouvait pas. Alors donc, on serrait, on dit on va bien les avoir. Et il s'est trouvé que un parachutage, il y a eu d'autres parachutages à la plaine des Chalons. Et on a reçu des uniformes canadiens. Alors le blouson, le pantalon avec la poche sur les cuisses. Nous, qu'on était habillés comme des guenilles, on était mal chaussés, mal habillés. Alors donc, on était contents d'avoir des vêtements propres. Et les Allemands, ils nous voyaient avec les lunettes. Hein. Ils voyaient, ils ont dit, oh là là, il y a l'armée régulière qui est là. Hein. Alors on va se rendre à l'armée régulière parce que en aucun cas, on se rendrait... Au maquis. Au maquisard, ouais. Parce que nous, c'était sans pardon. Hein. Donc. Eux, ils pensaient que c'était l'armée régulière. Oui, ils pensaient parce qu'ils savaient aussi que les Américains avaient débarqué, tout ça, et qu'ils avançaient. Alors, c'était au mois de juillet. Ils avaient débarqué le 6 juin. Alors, du 6 juin pour aller, en gros, aller, on va dire, au 14 juillet. Non, c'était le 20 juillet parce que 14 juillet. On devait défiler à Nantua. Parce que il faut que vous sachiez que Nantua a été la première sous-préfecture de France libérée au mois de juillet, début juillet. Et la 4e République a été proclamée au 14 à Nantua, vers le début juillet. Et comment il s'appelle Le capitaine Montréal était préfet. Alors donc, ça baignait. Alors on s'apprêtait à défiler pour le 14 juillet à Nantua. Manque de peau, les Allemands qui remontaient la vallée du Rhône par division entière, hein, parce que ils savaient que ça allait mal pour eux. Alors ils remontaient, alors ils étaient armés. Non, quand je vous dis qu'il y avait de l'armée de Pont-Audin jusqu'à Cerdon, ah oui, il n'y avait que des Allemands, des camions, des tanks. Et bon, quand ils ont attaqué, ils ont brûlé Cerdon, une partie de Cerdon. Alors c'était sauf qui peut. Alors on a rejoint le camp. Et après, on est parti donc au lac Genin. Et du lac Genin, on est parti au Rousse. Et au Rousse, dans le mois de juillet, début août, on a fait la jonction avec les Américains à Lens-Saunier. Alors du coup, là, la guerre étant finie, il a dit, les gars, la guerre est finie, on va descendre en repos à Divonne-les-Bains. Alors ça nous allait bien, à l'hôtel du Golfe, les Allemands venaient de quitter l'hôtel, c'était encore tout chaud, il y avait des bonbonnes de martini. Moi, j'avais jamais bu de martini de ma vie. À 18 ans, je ne sais pas ce que c'était. Et ils étaient partis en Suisse, les Allemands, là. Et nous, on a pris leur place. Et on est resté tout le mois de septembre. On a fait la Java. Et puis, à fin septembre, les officiers ont dit, bon, ben, les gars, le maquis, c'est fini. Soit vous rentrez chez vous, à votre domicile, soit vous vous engagez pour la guerre contre l'Allemagne plus 3 mois. Parce que la guerre n'était pas finie. Elle a été finie le 8 mai 1945. Parce que les Allemands remontaient et où ça s'est éternisé, l'hiver 1945, c'est dans les Ardennes. Dans les Ardennes, ça frottait dur, hein, parce qu'il faisait très froid. Les Allemands se cramponnaient et là-bas, les maquis attaquaient, les maquis puis l'armée régulière. Enfin bref, ils se sont rendus le 8 mai. Alors donc, maintenant, vous rentrez chez vous ou bien... Alors on s'est engagé. Moi, j'avais 18 ans et demi. J'ai dit, je suis de la 46. La première classe qu'ils vont appeler, c'est la mienne. La 46, parce que la 45 avait été exempte de régiment. De régiment. Alors donc, la 46, c'était la mienne. Premier contingent, je devais partir au mois de mars. Alors je dis, je vais rentrer en septembre pour repartir au mois de mars. Non, ben j'y suis, j'y reste, on verra bien. Et j'ai bien fait. Alors donc, toute cette campagne d'hiver 44-45... on l'a fait du côté de Briançon, sur la frontière italienne. Alors, moi qui n'aime pas trop la neige, bonjour. Vous avez souffert du froid, hein, hein? Vous avez souffert du froid. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, puis on était mal équipés. Oh. Quand on pense que les Allemands, les Bavarois, ils étaient habillés en blanc, une tunique blanche, ils faisaient du ski. Ils partaient du Chaberton, ils descendaient, puis nous, on était là, en kaki, sur la neige. À se glander. On avait des skis, on n'avait pas de peau de chamois pour tenir, parce qu'on entourait les skis de peau de chamois. Pour ne pas glisser. Et ça permettait de... Pour pouvoir avancer, ouais, marcher. Parce qu'on ravitaillait les forts. Il y a 7 forts depuis... la gare de Briançon pour aller jusqu'au sommet. Alors, il fallait les ravitailler s'il faut. Il y avait un téléphérique, mais les Allemands, ils bombardaient le... Alors, il fallait monter là, à pied. Alors, je te dis pas, nous, on était chargés comme des mules. Alors, on ravitaillait les forts. Alors, on arrivait crevés. La nuit, hein, on marchait. Quand on arrivait au fort, il y avait Janus, Chaberton, il y avait le Randouillet. Enfin bref, il y a plusieurs. on posait, c'est eux qui nous déshabillaient. Le vin était gelé, le pain était gelé. Bien sûr, on avait passé la nuit. Il faisait des moins 30, hein. Alors on s'est engueulé, bande de cons, vous avez fait geler le vin. Eh bien d'accord. Enfin bref, ça, c'était pas triste. Et puis on a occupé vers... j'étais à Névache. Névache est un gentil petit pays qui se trouve le long de la frontière italienne, qui est à côté du mont Genèvre. Le mont Genèvre est... On est resté, je me rappelle, on va relever des gars qui étaient là depuis plusieurs semaines. Alors on arrive, ah vous voilà, et j'étais avec un gars de Nantuage, nommé Poncet. Alors on vient vous relever. Ah bon ? Eh ben voilà, c'est là. Alors il y avait deux mitrailleuses, il y avait une osquiche et il y avait une Brevning. Alors, bon, je prends l'osquiche et il y avait refroidissement à eau. Et je lui dis, et on fait quoi ? Et il me dit, vous voyez là toute la vallée. Puis je lui dis, mais dis donc, on dort dehors. On me dit, ouais. Ils avaient coupé des branches de sapin. On était assis dessus. Et il y avait aussi des branches qui nous protégeaient. On est resté 3 semaines. Là, 3 semaines. J'ai passé le Noël 44 dans ce truc-là. Au sommet de la colline, devant une mitrailleuse, sous la neige. Alors, des fois, il neigeait, il faisait froid. Et on est resté 3 semaines dehors, couchés par terre. Enfin, couchés dans la neige. Enfin, bref. Et alors, je me rappellerai toute ma vie. Je leur dis, oui, si vous voyez passer des Allemands, vous les tuez, vous tirez dessus. Je dis, oui, mais j'ai pas vu passer une fois. Nous, ce qu'on attendait, c'était la bouffe. Parce qu'ils nous oubliaient systématiquement, là-haut. Comme on était au sommet de la... Ils nous oubliaient. Alors, un jour, ils montent avec une boille à lait. Tu sais, une grande boille à lait. Et je suppose qu'il y avait de la soupe. Et ils faisaient le tour. Alors, mais pour venir nous voir, il fallait monter toute la colline. Nous, on était au sommet. Alors, bon, les gars montent. Essayent de monter. Vois-tu pas qu'une patrouille allemande arrive. Ils tirent des rafales de mitraillettes. Il y a un qui a été blessé. Et puis l'autre, ils ont posé la boye, toute percée, toute la soupe dans la neige. Il n'y avait plus que les épais, comme ça, au fond. Ah, oh, j'ai eu merde, on ne manquera pas manger. Et bon, ça a duré 3 semaines. Au bout de 3 semaines, ils nous ont relevés. Et je suis allé chez une paysanne, lui dire, madame, pourriez faire chauffer de l'eau ? Je voudrais me laver. Alors, ils ont été gentils, ils ont fait de l'eau chaude. Et puis, il y avait 3 semaines qu'on ne s'était pas lavé. Alors, on s'est bien lavé. Et Névache, je suis retourné avec ma femme. Sympa, c'est un petit bled. C'est le dernier village. Après, c'est la montagne et l'Italie. Névache. Tu vois, j'ai un bon souvenir. Et puis après, on a occupé un peu des petits villages italiens. Et puis, c'est arrivé la fin de la guerre. Gilbert, pendant toute cette période, tout ce que vous nous racontez, vous avez beaucoup souffert de faim. Hein. Ah, moi, j'ai... Alors, hein, du temps des Allemands, du temps de l'occupation. Parce qu'il faut que les Belgardiens sachent que pendant l'occupation, donc depuis 1940, pour aller jusqu'en 1944, les Allemands nous pillaient. Hein. Il y a beaucoup de Belgardiens qui ne savent pas qu'on avait des tickets de rationnement. On avait, moi, j'avais droit, en tant que J3, à 125 grammes de pain par jour. Et on avait droit à 25 grammes de beurre par jour, 50 grammes de viande par jour. Alors, tu allais au boucher, il fallait, tu voulais un beefsteak, il fallait donner le poids de ta viande en ticket. Et pain pareil. Alors donc, moi, je mangeais ma ration d'un jour. Tu comprends? Alors, il y avait marché noir, il y avait... Tu vois, c'était la foire d'Empogne. Et ça, il y a beaucoup qui ne savent pas. Alors moi, j'ai eu faim parce que pour acheter au marché noir, il faut avoir de l'argent. Hein? Et nous, on n'en avait pas. Et j'ai eu faim. Alors j'ai dit, Tonin, à la Libération, tu t'arrangeras pour ne plus jamais avoir faim. Et j'ai tenu parole. J'ai pris des kilos de réserve. Non, mais c'est sûr qu'on a souffert. Et je peux dire de 14 à 21 ans, hein, j'ai eu une jeunesse pas marrante, hein, entre l'occupation des Allemands, alors qu'on était en zone libre. Hein. C'est ça qui est triste. Mais on était la première ville... Après le PJ qui était occupé, et il y avait tous les douaniers, il y avait des dizaines et des dizaines d'Allemands, et ils occupaient les quatre hôtels, alors. Moi, je les voyais, j'habitais 25 rue Joseph Berthelin, vous avez vu, devant l'hôtel La Paix, il y a une cour qui va au fond, il y a le mur de soutènement, il y a une cour, puis il y a deux bâtiments, et mes parents habitaient là. Alors donc, pour sortir, je passais devant eux. Alors ils étaient toujours sur la terrasse. Ils me voyaient passer. Je lui dis, mais salauds. C'était des douaniers. Ils étaient en uniforme. Pour moi, c'était des Allemands. Enfin bref, jusqu'au jour où je suis parti au maquis. Alors là, ça a changé de note. Est-ce que pendant cette période, certains moments dans le maquis, vous avez eu peur de mourir? Parce qu'il y avait quand même les Allemands, il y avait quand même des tirs, il y avait quand même... Oui, on avait bien la trouille. Hein. Oui, oui. Oui, j'ai eu peur, hein, des fois. Mais enfin, ça faisait partie du truc. Et puis, après au maquis, on était avec des gars motivés, des gars bien... Des gars de toute confession, de tout, des rouges, des pauvres, et des gars bien. Alors, il y avait de la solidarité. Moi, je n'avais pas de chaussures. Alors, il y en a un qui avait une paire de chaussures dans son sac. Il me les a prêtées. C'était ma taille. Alors, j'ai marché pendant X semaines avec ces chaussures. Après, j'en ai trouvé une paire, je l'ai rendue, tu vois, des blousons. Hein. On avait eu des blousons à la fin. Mais en attendant, il y avait eu un pillage et un pillage d'un magasin de vêtements. Et là, on avait eu un blouson. Moi, j'avais un blouson en cuir. Ça va. Mais on était mal fagotés, mal nourris. Enfin, ce n'était pas la joie. Alors, de temps en temps, parce qu'on rayonnait tout le long depuis Cerdon pour aller jusque... comment ça s'appelle la Cluse, Montréal, Oyonnax, Mataflon, enfin bref. Tout le long, on rayonnait là. Vous y étiez au défilé d'Oyonnax, hein? Vous l'avez fait, le défilé d'Oyonnax? Ça avait lieu le 11 novembre 43. Ça. Ah oui. C'était le 11 novembre 43. Nous, on a fait. Après, mais ça n'a rien à voir avec. On a fait. À Nantua. À Nantua. et à Oyonnax. Mais ça n'avait rien, plus rien à voir. Parce que le fameux défilé, il a eu lieu le 11 novembre 1943. Et moi, je n'étais pas encore maquis, là. D'accord. Je suis parti en mars 1944. Si vous deviez faire une rétrospective de ces années, de ces années de guerre, de ces années noires d'occupation, ouais, qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? Oh, c'est une connerie, hein. C'est une connerie monstre, la guerre. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on est grands copains avec les Allemands. C'est pas plus mal, d'ailleurs, hein. Si on l'avait été depuis 70, il n'y aurait pas eu 14-18, il n'y aurait pas eu 40, hein. Mais ça, c'est la politique. C'est les gouvernements qui font que... Hein, parce qu'aujourd'hui, t'as vu, on est grands copains avec les Allemands. Mais oui, tant mieux. Mais à cette époque-là, Gilbert, enfin, je parle de la guerre de 39-45, c'est un fou qui a mis en place cette guerre, hein. Hitler. Hein. Oui. C'était pas forcément voulu par la classe. Oui. Non, mais là, en effet, à l'époque, il y avait un fou, hein, qui était un homme Hitler, qui avait déjà envahi la moitié oui, de l'Europe. De l'Europe, oui, tout à fait. Hein? Oui, alors sûr. Donc, ce gars-là, il voulait toute l'Europe. Hein? Il y serait arrivé, hein. Il y serait arrivé. Mais après, il y a eu ces forces de résistance, il y a eu le débarquement, et c'était juste, hein. Oui, on a eu... Oui, mais c'est pour vous dire, des tyrans, il y en a... Il y en a aujourd'hui, hein. Il y en a aujourd'hui, regardez. Hein? Encore aujourd'hui, oui. Vous voyez la Turquie, hein. La Syrie. Avec la Syrie, avec... La Syrie. Ouais. Là aussi, c'est encore un truc à déclenchement d'une guerre. Parce que les Américains, ils veillent, ils tirent les ficelles. Alors il suffit que Trump dise « Allez, on attaque !» Et puis, ça repart pour un tour. C'est l'incendie, oui. Non, mais c'est une... Alors qu'on pourrait... On peut bien vivre tranquillement, hein. Oui, mais là, c'est la politique, là. Oui, c'est la politique. Pour ça, il ne faut pas en faire. Il faut faire son boulot, sa famille, être un bon Français, c'est tout. Et puis aimer la table et le bon vin. Ah ouais. Hein, Gilbert? Ah ouais. Parce que ça... Moi, c'est primordial, ça. Si vous avez souffert de la faim à une époque et de la soif, ouais, aujourd'hui, vous prenez votre revanche. Ah, c'est même. Sûr. Hein? Ah, c'est sûr. Et puis, c'est pas plus mal. J'en loupe pas une. Hein. Et je les cherche. D'ailleurs, ma femme, je vous souhaite... Là, j'ai trouvé un bon petit restaurant coupé. Hein, et... Il est au guide... La rue du Père du Rhône, hein, ouais. La rue de la Père du Rhône, hein. Il est bien. Ah, je sais pas, je suis... Hein? Oui, il est faut très bien. Il faut aller voir. Hein? Faut aller voir. Ah oui, il faut aller voir. C'est le premier à droite après les gardiens municipaux. Ouais, c'est juste à droite, juste après la police municipale. Ouais, ouais, c'est ouais. Ça. Super bien. Ben vous voyez, comme quoi, hein. On dit qu'il n'y a pas de bon restaurant oui, à Bellegarde. Il est en plus ouvert le dimanche. Le dimanche, voyez. Ah oui. Formidable. Ça, il n'y en a pas beaucoup d'ouvert le dimanche. Ah, il n'y a que lui. Gilbert, on va faire une petite pause musicale, mais avant, parce qu'on va parler aussi de votre activité professionnelle, hein, je voulais juste savoir une chose, si vous vous intéressez à l'actualité du monde, là, vous avez parlé de Trump, vous avez parlé de la Syrie, etc., etc., vous regardez régulièrement les informations? Oui. Ça vous intéresse? Est-ce que ça vous inquiète, ce qui se passe? Alors, je dis... Ça m'intéresse, mais la politique, j'aime pas. Mais je suis bien obligé de m'inquiéter de ce qui se passe dans le monde. Alors, je regarde un peu les infos, mais ils nous racontent ce qu'ils veulent. Hein. Les infos, faut en prendre et en laisser. Et suivant les chaînes que vous prenez, c'est pas bien. Non, enfin, bref, je fais comme tout le monde. Je mets la télé, je tombe sur les infos, je regarde un moment... Des fois, il y a des débats. Je suis les débats. C'est bien aussi. Du coup, c'est pas bien. Alors si, je m'inquiète aussi de tout ce qui se fait à Bellegarde. Ouais. Alors, regardez, moi qui ai connu Bellegarde depuis 1933, j'habite à Bellegarde. Regardez ce qui est devenu Bellegarde depuis 1933. Il y avait, moi quand je suis venu en 1933, il devait y avoir 3-4 000 habitants. Hein? Maintenant, avec Valserone, on est 18 000. Puis regardez la beauté de Bellegarde. Parce que on peut dire que la municipalité actuelle a fait du bon boulot, même si on est contre ou pour. Moi, je constate le travail fait. Et bravo, bravo, bravo. Des trottoirs somptueux, des routes bien goudronnées. Hein. Maintenant, il faut qu'ils mettent un peu d'ordre dans le stationnement. Ça va venir. Faut être patient. Faut être patient, Gilbert. Oui, oui. Oui, un peu. Faut pas que ça soit des voitures avant tout, parce que les commerçants, ils souffrent. Bien sûr. Et il faut qu'ils libèrent. Ils avaient parlé, et ils ont raison, d'un stationnement d'une heure. Ça suffit. Le gars qui arrête plus d'une heure, il y a d'autres parkings plus loin. Mais ceux qui sont devant les magasins, il faut les libérer. Mais là, je crois qu'ils ont fait du bon travail dans la rue de la République, par exemple. Oh, ouais. Mais on y reviendra après. Là, on va faire une petite coupure. Ouais. Et puis après, on reviendra sur votre activité professionnelle, Gilbert. Parce qu'elle est lourde aussi, hein, celle-là. Ouais. Hein? On fait la pause musicale. Écoutez bien ce qui va suivre. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Ohé saboteur, attention à ton fardeau dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, oh, cette pause musicale, Gilbert, évidemment, le chant des partisans, interprété par Yves Montand. C'est très bien. On ne pouvait pas passer autre chose, de toute façon, comme chanson. Ça ne fait pas penser à autre chose. On ne pouvait pas passer à autre chose. Non, non. Ce que vous avez raconté là. Oui, oui. Puis d'ailleurs, c'est mon chant. Hein. Il veut bien dire ce que ça veut dire, hein, ce chant. Ça nous redonnait du courage à l'époque. Ça y est, c'est bon. On était en train de réajuster là, oui, oui, techniquement. Gilbert, on va parler un petit peu de votre passé professionnel, parce qu'il est riche quand même, ce passé professionnel. Oui. Tout dans le textile. Il est assez riche. Ouais, ouais, ouais. Alors, de simple aide-magasinier, ah ouais, vous êtes tombé à dirigeant d'entreprise. Ah ouais. C'est pas rien. C'est pas rien, ouais. C'est une belle réussite professionnelle, ça. Oui, on va dire ça. Hein? On fait travailler 320 personnes. Ah ben. Hein? J'ai 3 usines. Alors, des fois, avec mon associé, parce que on n'était pas tout seul, parce que j'étais dans une société... Donc, pour vous dire, j'étais dans une société, c'est la vie. La vie. Un beau sourd, ma femme me dit, donc, tiens, il y a un de tes anciens représentants, un nommé Teto, qui habite les Sables de l'Aune, il voudrait te parler, te voir. Alors, il te rappellera. Alors, il me rappelle, il me dit, allez, salut Gilbert, comment ça va? Bien. Il me dit, t'as du boulot? Je lui dis, oui, pour le moment, ça va. Il me dit, parce que je t'offrerai un boulot, là, ma boîte, elle cherche pour tout le sud-est un gars. Et je passe à toi. Je lui dis, c'est gentil. Je lui dis, mais tu vends quoi? Alors il me dit, je vends des housses de voiture. Ah bon? Et puis ça sent ça. Alors il me dit, oui, oui, oui, bien. Et puis c'était des housses de voiture, puis des tapis de voiture. Tu sais, pour mes dents. Ah bon? Je lui dis, ça paye? Alors il me dit, ouais, je suis bien content, puis ça sent bien. Alors on travaillait uniquement avec les hypermarchés à l'époque. Il n'y avait personne d'autre qui distribuait ces produits. Et après, il y avait Feu Vert et puis Noroto, qui étaient des centres-auto. Hein. Mais ils étaient sur les mêmes parkings que les hyper. Alors, tu ne pouvais pas trop en mettre des deux côtés, parce qu'il y avait une bataille des prix. Hein. Enfin, bref, il fallait feinter à celui qui en vendait le plus. Alors donc, et ça marchait bien. Alors bon, je prends rendez-vous avec le patron, il descend, on se donne rendez-vous au Sofitel à Lyon, et puis on fait affaire. Alors, j'ai volé le coup, voiture de fonction, une Mercedes, tout frais payé, sur justificatif. Bien sûr. Oh. Fixe, 8000 francs. De l'époque. De l'époque, par mois. Et un pourcentage sur le chiffre direct et l'indirect. J'ai bien précisé, le direct et l'indirect. Ce que j'envoie, plus les réassortiments que eux, ah oui, j'étais commissionné sur pareil, le chiffre qu'ils sur faisaient. Les deux, ouais. Alors là, j'avais joué bien. Ils ne voulaient pas trop. J'ai dit, bon, moi, c'est comme ça. Hein. Puis 2,5% j'avais demandé. Et c'était 1,5. Ouais. Alors, ils ont accepté. Je comprends et pourquoi vous avez pris des kilos après. Hein. Ouais, ouais, ouais, il fallait bien payer mes bouffes. Hein. Mais le travail, on a bien travaillé. Et ce qui est marrant, c'est que à l'époque, moi j'avais déjà plus de 50 ans. Hein, et le jeune directeur commercial qu'il y avait dans cette maison, qui était de l'île Tourcoing, elle était de Tourcoing, Roubaix-Tourcoing, vous voyez, dans le nord. Il s'appelait Henri de Wilder, un garçon bien élevé, de bonne famille, et c'était mon chef, mon directeur. Et moi, j'étais chef des ventes. Lui était directeur commercial. Alors on faisait bien le bon duo. Il était bien introduit, il savait bien faire. Alors il me dit, vous allez où, monsieur Tonin, cette semaine? Oh, ben je vais aller du côté de Nice, Cannes, Menton, peut-être Toulon. Oh, vous avez du pot. Moi, j'aimerais bien... Eh bien, il ne sortait jamais de son Roubaix. Hein. Alors, ce n'est pas la même. Hein. Alors, donc, je lui dis, bah, vous n'avez qu'à descendre avec moi. Alors, il dit, ouais, ben d'accord. On se donne rendez-vous à l'hôtel de la Colonne, à Villefranche-sur-Saône. D'accord, c'était mon hôtel. Alors, il laissait sa voiture là-bas, on prenait la mienne et on faisait la tournée. Mais on cravachait pour justifier qu'il était descendu avec moi, mais on remontait des commandes en pagaille. Un jour, on a remonté, t'entends bien, 25 millions de commandes pris dans les hypermarchés, hein, dans la semaine. Alors, il n'arrivait plus à livrer, hein, parce qu'il devait avoir une vingtaine d'ouvrières. C'était un petit atelier, puis ses housses, c'était surtout des chaussettes, tu vois. Ouais, tu c'était de ça. La fourrure, maille. Ça allait bien pour habiller une voiture. Parce que à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de voitures neuves. Hein, je te parle de ça dans les années 78. Hein. C'est vrai, tout le monde n'avait pas une voiture neuve. Il y avait des voitures d'occasion et elles étaient plus ou moins propres. Alors, il les rhabillait pour les rendre un peu plus propres. Alors, donc, ça se vendait. Alors, bon. Alors, on faisait nos tournées. Et une fin de semaine, en remontant du midi, je disais, vous savez, monsieur, je le voyais, monsieur de Wilder, je serai à votre place, vous avez 32 ans, vous connaissez bien le marché, vous êtes vendeur, moi, je serai à votre place, je me mettrai à mon compte. Alors, il me dit, quoi ? Me mettre à mon compte ? Ben oui, c'est le moment ou jamais. Le marché est porteur. Les gens en veulent. Tu n'as pas laissé 30 sous, il s'appelait 30 sous, le patron. Tu n'as pas laissé 30 sous. Vous n'allez pas laisser 30 sous tout seul dans le fromage. Hein? Alors, on va partager. Ce qu'on fait pour lui, vous pouvez le faire pour vous. Alors bon, il dit, bon, c'est tout. Il reprend sa voiture. Je me rappelle, il avait une Alfa Romeo. Quand il est arrivé avec cette Alfa Romeo, toute neuve, une grosse, marron. Qu'est-ce que c'est cette poubelle là, que vous avez c'est moche. Puis ça consomme, ça. Ah, il m'a dit, vous croyez ? Ouais, vous faites combien ? 13 litres ? Oui, il fait 13 litres. Je dis, c'est pas bien pour un représentant. Il faut une BMW, une Mercedes. Alors, il remonte, il me dit, je pourrais remonter un peu plus tôt parce que j'ai des copains à recevoir ce vendredi soir. Je dis, on remonte 14 de l'après-midi, on était à Villefranche. Il reprend sa voiture et il habitait un petit bled de là-bas, à côté de l'Ers. Et il arrive chez lui, il avait une fille, et il arrive chez lui, il garde sa voiture sur le parking du HLM, et il attend ses copains. Alors les copains arrivent les uns après les autres, allez, comment ça va ? Qu'est-ce que t'as comme caisse ? Ah, il me dit, j'ai acheté une Alfa Romeo. Oh, dis donc, super. Parce que pour les gens, c'est super. Puis sur la route, c'était rien, quoi. Alors donc, non, mais c'était pas bon. C'était Fiat, hein. C'était le haut de gamme de Fiat. Et ils vont sur le balcon. La place vide. Ils l'ont fauché, sa voiture. Le temps qu'il monte chez lui et qu'il attende ses copains, mettons 2 heures. En 2 heures de temps, la voiture... liquidé. Vous voyez, comme quoi alors était... il dit, faites pas les cons, là, c'est vous qui l'avez changé de place. Les autres, il dit, non, on savait même pas que t'avais une voiture neuve. Il dit, non, c'est pas nous. Moi, le bas de combat, hein, il l'avait fauché. Alors il porte plainte, mais il a eu du pot, elle avait 15 jours, cette voiture. Ils l'ont remboursé à 100%. Ils l'ont rendu la monnaie. Hein. Alors je lui dis, qu'est-ce que vous achetez ? BMW. J'ai dit, voilà une voiture. Alors, Déjà la folie des grandeurs à cette époque, hein, Gilbert. Alors, il me dit, bon, ben d'accord, j'ai une belle voiture. Alors, on descendait, on faisait du chiffre. Alors, un jour, de la même année, il me téléphone et puis il me dit, pour le novembre, est-ce que je pourrais vous voir? J'ai dit, oui, descendez. Alors, il descend avec son père et en BMW. Et il me dit, il avait un plan, et il déroule le plan. Il dit, voilà, suite à ce que vous m'avez dit, j'ai cherché une usine. Il y en a plus de 50 à vendre à Roubaix. Parce qu'il ne faut pas oublier que Roubaix, c'était le numéro 1 du textile. Mondial du textile. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et à l'époque, les Français, on faisait du clé en main pour les pays d'Afrique. Je ne le dis pas. Les pays d'Afrique, hein, ils faisaient des usines. Alors donc, une fois qu'ils ont fait les usines... C'est gentil, Gilbert, c'est gentil. Merci. Ils ont dit, mais maintenant, il faut nous acheter notre production. Alors on a acheté la production de ces usines d'Afrique et les nôtres, elles fermaient. Ah ouais. Alors donc, toutes les usines, toutes les teintureries, tous les ourdissages, tous les peignages, tout ce qui contribuait à faire... La fabrication. La fabrication, ça s'est éteint en même temps qu'ils avaient fermé les houillères. Ah oui. Alors, il y avait 25% de taux de chômage. Alors, pour te dire, alors, donc, on trouve cette petite usine qui fabriquait à l'époque des couvertures piquées. Si tu te rappelles, on avait des couvertures matelassées, piquées, ça remplaçait les couettes les de couettes, l'époque. Exact, ouais. Alors, et il y avait une coupe, il y avait un petit atelier avec une dizaine de machines, ça nous allait bien. Alors donc, mais moi j'étais pas dans le coup, hein, c'était lui qui avait fait. Alors je lui dis, et puis vous avez embauché du personnel? Il me dit, oui, on a mis un pavé à la NPE, et il y en a 7 qui se sont présentés, 7 ouvrières... De l'usine à côté. De l'autre. Qui est en face. Alors, quand il a su ça, qu'il s'installait, et on n'avait pas de contrat de travail. Donc, on pouvait partir du jour au lendemain, et il n'y a pas de clause de non-concurrence, hein, ce qu'on a plus maintenant, hein, mais à l'époque. Alors, du coup, pas de clause de non-concurrence, il me dit... oui, mais je démarre qu'à une condition. Ouais, je dis, ouais, quelle condition? C'est qu'on s'associe. Wow, je dis, vous rigolez? Moi, j'ai 57 ans. Dans 3 ans, je suis à la retraite. M'associer, vous avez 32 ans. C'est pour vous. Moi, ah bon, ben, je fais pas. Oh, merde. Alors... Mais c'est quand même vous qui l'aviez embarqué, oui, aussi. Oui, c'est moi qui l'ai embarqué. Oui. Alors justement, on va se coucher. Ma femme, tu vas pas t'emmerder, non, laisse tomber. Nous, on veut profiter de notre retraite. Oui, je lui dis, oui, d'accord. Mais tu sais, je lui mets en tête ça, il a l'espoir. Je vais pas le laisser tomber au moment où il démarre. Allez, faut que je l'aide un peu pendant quelque temps. Alors, bon... Le lendemain matin, au petit déjeuner, je lui dis, bon, la nuit, pas de conseil. Ok, je plonge avec vous. Oh, il m'a embrassé. Il m'a dit, parce qu'il n'était pas bête. Il savait qui c'est qui lui perdrait les commandes. Bien sûr. Ben oui. Hein? Vous aviez tout le portefeuille de clients. Eh oui. Alors donc, je lui dis, il faut... Alors après, on a embauché le directeur technique... du patron. On était 4 cadres de l'ancien patron chez le nouveau. Hein? Alors donc, on avait vraiment l'équipe pour fabriquer. Et on a démarré comme ça. Ils fabriquaient 200-300 housses par jour. Fallait que je les vende. les tapis qu'on importait de Hollande. Après, on s'est organisé. On a dit, oh, mais les grandes surfaces, ils nous pompaient tout. Hein. Oh, qu'est-ce que... Maintenant, il y a le retour de bâton. Ça va bien. Il dérouille. Auchan a perdu 1 milliard de chiffre d'affaires en 18. Ça leur va bien. C'est les milliards qui nous ont pompés. Hein. Et je suis bien content. Tout ça pour vous dire que... On a démarré, ça a marché, et après, au fur et à mesure, on a fabriqué nous. Alors, ça fait 30 ans qu'on a une usine en Pologne. Et on a 220 personnes en Pologne qui fabriquent tout sur mesure. On fabrique toutes les housses pour Peugeot, Citroën, Renault et Ford. Pour leur boutique et pour tous ceux qui en veulent, quoi. Et en sur-mesure, hein. Et puis les tapis de sol aussi, pour les voitures, sur-mesure. Puis on fait le vrac aussi, hein, le tout-aller. Et ça marche bien. Et après, on s'est diversifié. On a dit, oh, on ne va pas tout mettre nos œufs dans le même panier. On va en rajouter. Et puis en plus... Le frère de mon associé, il était jeune, mais c'était un bon en ordinateur. Et il a ouvert le site de... Sur Internet, donc. Sur Internet. De vente directe par Internet. Ouais. Ah oui, d'accord. Vente directe par Internet. Et aujourd'hui, on fait 33% de notre chiffre d'affaires sur Internet, avec la bonne marge. Qu'avant, on travaillait aussi avec Amazon. Ouais. C'est un, oui, bien sûr. Le plus grand détaillant du monde. Détaillant, hein, du monde. Amazon. Et quand il nous téléphone, Amazon, il dit, vendredi, je vous envoie 6 semi-remorques. Il prend plusieurs centaines de matelas. Alors, qu'est-ce qu'on a diversifié? On fait des matelas pour bébés, 60-120, avec une jolie housse. Tu sais, les bébés, ils achètent un lit bois, il faut mettre un petit matelas. Alors, à mémoire de forme, donc, super bien. Alors, lui, Amazon, il en vend des centaines et des centaines. Alors, nous, on vend les mêmes qu'Amazon dans un autre... Dans une autre filière. Dans une autre... une autre housse. Ah, d'accord, pardon. Ouais. Pour pas qu'on fasse ce rapprochement. D'accord. Mais ce qui est dedans, c'est le pareil. C'est la même chose, oui. Et on vend bien. Hein. Alors donc, on a... Après la housse, les tapis, on a fait pour les enfants. Et après, on fait des couettes, des oreillers... Des protèges matelas, des protèges sommiers. Qu'est-ce qu'on fait encore? Des gants, mais qu'on fait venir de Chine. Des gants pour faire la peinture, pour faire le verre. Tous les gants pour l'industrie. Tu vois? Et ça marche aussi. Alors, tu vois, on s'émerde pas mal. On va faire... 26 millions de commandes, de chiffre d'affaires. Mais Gilbert, vous n'êtes pas à la retraite? Si. Moi, si, non. mon associé me téléphone au moins une fois par semaine. Il me dit tout ce qu'il a fait, ce qu'il va faire. Je suis au courant de tout. Et lundi, je monte, parce que je lui monte tous les 3 mois à l'usine, à l'ERS. Alors je montre. Là, il y a une centaine de personnes qui fabriquent les petits matelas. C'est fabriqué à l'ERS. Et il y a le siège social. Et l'usine de Chine, on va laisser tomber parce que la Pologne suffit. Et puis, ils sont pas plus chers. Avec... Ouais, ouais. Quand tu as payé le voyage, mois de voyage... C'est plus près, La Pologne, c'est parfait. Alors donc, on gardera plus que la Pologne et la France. Mais bon, aujourd'hui, on doit être 320 par là. Et quand vous allez à l'usine, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit bonjour patron? Non, dites bonjour. Bonjour Gilbert. Alors, comme l'usine, alors là aussi, alors j'avais cette petite usine à Voitrolo, la première qu'on a eue. Et mon associé actuel, il habitait à Lers, dans le pays, où il y a le siège social. Il me dit, tu vois là-bas la grande cheminée, parce qu'il y avait des cheminées qui faisaient 40-50 mètres de haut, dans le nord. C'était pour alimenter la vapeur. Il me dit, tu vois, j'ai vu le maire à la sortie de la messe, parce qu'ils vont à la messe, et il m'a dit, monsieur de Wilder, vous cherchez pas un local? Puis je lui dis, ouais, pourquoi pas? Alors, il lui dit, voilà, parce que j'ai le droit de préemption sur l'usine, une des cinq usines qui a fermé, il y a 4 ans qu'elle était fermée, et cette usine est à vendre, mais elle est trop grande. Elle fait 198 000 mètres carrés. Ah bon? Il me dit, moi, j'ai pas besoin de tout ça. J'en aurais bien pris une partie pour faire une salle de gymnastique, mais déjà, j'ai fait le lycée, on n'a plus d'argent, mais si ça vous intéresse, je peux vous la faire voir. Alors, on va visiter. Il y avait de l'herbe comme ça dans la cour. On rentre. Une usine qui était fermée depuis 5 ans. On ouvre la porte. Toutes les clés au tableau. Le téléphone branché. 5 ans qu'il branche. La lumière branchée. On a visité. On ouvre les grandes portes. Des salles immenses. Tu vois. Qui faisaient 400-500 mètres carrés. Avec les machines. Toutes grasses. Par terre. Tout gras, toutes les machines qui faisaient leur travail. Oui. Alors, il me dit, qu'est-ce que tu en penses? Je lui dis, allez, plonge. Il me dit, t'as vu où on s'embarque? Je lui dis, mais c'est une opportunité. Personne n'en veut. On va négocier le prix. Ben oui. Et donc, on dit, bon... On dit au maire, bon d'accord, ça nous intéresserait. On vous donnera ce qu'il vous faut pour faire votre salle de gymnastique. Et puis il me dit, quand vous l'aurez neuve, vous nous redonnerez le local. En attendant, occupé. Bon, ça va bien, c'est bien. Comme ça faisait pas de frais. Et nous, on dit, c'est pas tout ça. On contacte un ferrailleur. Le gars, il a dû se faire des couilles en or. Parce que... Il a tout récupéré, la ferraille, tout ça. Il y en avait des camions et des camions. Il a tout emmené pour qu'on ait des pièces vides, pour savoir comment on allait agencer tout ça. Et après, il dit, la première des choses à faire, c'est de refaire les sols, parce qu'ils étaient tout en briques, pleines d'huile. Il y avait 5 cm d'huile et de graisse par terre. Alors donc, on contacte une usine, enfin un atelier, une entreprise plutôt, française. Alors on voudrait que ça soit fait dans la semaine. Il faudrait que lundi, on puisse déménager notre petite usine là-dedans. Bon, c'est pas possible, nous on travaille pas le samedi, le dimanche. Ah bon? Un boulot comme ça 18 000 mètres carrés, vous voulez pas travailler le dimanche? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, bon, nous, c'est moitié belge, moitié français, l'IRS. La ville est partagée en deux. On va côté belge. Le gars, il n'y a pas de problème. On vous fait ça. Alors, il va faire un coloris jaune, comme ça un peu. Ils y ont tout fait. Et le lundi, on a pu transvaser les machines qu'on avait à Voitrolo, à 2 km. Avec un camion, on a tout monté les machines qu'on a installées. Et ça a redémarré là. Alors après, au fur et à mesure qu'on déblayait, on mettait les machines. Tu te représentes 180... 180 mètres carrés. 18 000 mètres. 18 000, mètres. 18 000 oui. 18 000. Alors, bon. Ça fait un sacré espace, hein. Alors, on a de la place, puis c'est chouette, hein. Puis on y a fait beau depuis, hein. Puis c'est à nous. Alors, c'est payé. Alors, alors j'ai dit, mais vous négociez le prix. Oui. Bon, mais ton grand-père, c'est pas le créateur du crédit. Ton grand-père, c'est pas le créateur du Crédit du Nord. D'ici, eh bien, on va aller voir le Crédit du Nord. Alors, au Crédit Nord, il se fait connaître. Oui, ouais, en effet, le créateur de... C'est un nommé de Wilder. Ben, c'est mon grand-père. Alors, on aurait besoin d'un prêt. Il était mort, hein. Autrement, ça serait adressé... Directement. Au grand-père. Ouais. Comme il était mort, eux, ils n'étaient pas censés savoir que c'était de la famille. Mais on leur a dit... Eh bien, ils nous ont octroyé. On l'a eu. J'étais assis, hein. Pour 500 millions. L'usine, le prêt? Oui. Ah ouais. 500 millions. Ça fait de l'argent, ça, dit de donc. Francs. Ah, de francs. Ah oui, oui. Ah, oui, à l'époque, c'était... Oui, de francs, hein, de francs. Oui, j'ai eu peur. Oui, oui, de francs, pas de... Ah oui. Non, oui. Alors, sur... j'ai dû remboursable sur 20 ans. Et puis, toutes les fois qu'on peut, on peut amortir, tu vois, plus vite. Et on a eu le prêt. Il ne pouvait pas moins faire. Ben oui. Et on a pu s'installer. Alors, quand on... Lundi, je vais à cette usine, là. Alors, ma dossier va m'attendre au train. J'y vais en train, hein. Et à Lille. Puis on regarde ce bâtiment, puis on se pince, on se dit, mais c'est à nous, ça. Ça on n'y croit pas. C'est à nous. Hein? Et c'est vrai. Ça. Alors bon, on n'a pas la grosse tête pour tout ça. Le principal, c'est que ça donnait du travail à plus de 320 familles. Et ça occupe chaque famille au moins 3-4 personnes. Ça fait vivre plus de 1000 personnes dans le Nord qui a beaucoup de chômage. Alors donc, et c'est une usine, c'est marrant, elle est en plein centre-ville. Parce qu'à l'époque, c'était les frères, je ne sais plus comment ils s'appelaient, ils tissaient, ils peignaient, ils ourdissaient, ils faisaient tout, la teinturerie. Alors, c'est les gros champions du tissage. Puis, ils ont déposé le bilan. Ils ont vendu 4 usines. Et la 5e, ils n'arrivaient pas à la vendre. Qu'on a acheté. Et bien, alors, comme il y a peut-être 150 ans, ils s'étaient mis là. Le boulot. Alors, ils ont construit tout autour. La ville s'est construite autour de l'usine. Alors l'usine, elle se trouve pas au milieu. Mais presque. Mais presque au milieu. Pour peu, elle serait moitié sur France, moitié sur Belgique. Ah ben... Ah mais oui. C'est l'ERS. L-2-E-R-S. L'ERS. C'est franco-belge. Ouais, franco-belge, oui. Alors c'est toujours... C'est... Tu passes une rue, t'es en Belgique. Puisque je te dis, les voitures sont immatriculées blanches et rouges, hein, puis les nôtres. Alors, il y a même une douane au bout de la rue, mais là, ça ne marche plus. Ben oui. Mais c'était comme ça. Hein. Alors donc, je te dis, l'usine se trouvait au milieu de la ville. Alors donc, ça prend de la valeur, tu vois. Parce qu'on peut... C'est immense. Puis on a du terrain, en plus. Alors donc... Et puis on a une usine en Pologne qui doit faire 10 000 mètres carrés avec 220 personnes. Et il y a plus de 25 ans. qu'on travaille avec les Polonais. Super bien. Super bien. Courageux. Quand est-ce que vous allez vous arrêter, Gilbert ? Quand on sera mort, mais... mais de toute façon, moi j'ai arrêté, je suis à la retraite. Mais on peut en parler. Alors au téléphone, on en parle. Lundi, j'y monte pour une semaine pour faire des mises au point, pour voir ce qu'on pourrait faire ou pas faire, ou plus faire. Vous êtes encore un bon conseiller, finalement. Oui, oui. Ah ben oui, oui. Oui, ben j'ai mon mot à dire. Hein. Oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Hein? Puisque, en somme, on a déjà délégué parce que mon associé, il a 70 ans maintenant. Moi, j'en ai 93. Et il a un fils qui a 30 ans, Pierre Marin. Et attention, qui va prendre il a la chance d'avoir un fils si intelligent. Parce que c'est pas évident qu'un fils reprenne les affaires. Oui, bien sûr. Du père, s'il n'est pas capable. Hein. Faut être capable de mener une boîte. Lui, il était déjà dans la boîte depuis 10 ans. Il était directeur du marketing. Donc, il connaissait... Déjà bien. Il connaît les rouages de la machine. Oui, tout le... Et c'est un battant, c'est un bon, c'est un gestionnaire. Et il a vraiment, vraiment tout réorganisé comme il se doit. Puisque nous, c'était comme on l'avait fait. Puis lui, par mesure d'économie, il a mis en place là, il y a trop de fil, là, il n'y a pas assez. Il a bien réparti tout. Maintenant, ça baigne, hein. Dites-moi, Gilbert, Evelyne, dans tout ça, qu'est-ce qu'elle en pense, elle? Elle aimerait bien que vous soyez vraiment à la retraite, non? Ben, non, elle est montée, elle connaît. Mais, bon, bien sûr, je fais souvent passer l'usine avant, hein, que je devrais faire le contraire. Mais, elle est intelligente, elle comprend bien. Qu'on ne peut pas laisser tomber une boîte de 300 personnes. On a déjà laissé tomber du fait d'avoir mis un PDG hein, qui a la poigne et le charisme et la qualité de pouvoir faire. Alors ça nous soulage parce qu'imagine-toi qu'il n'y ait personne. Ah oui, bien sûr. Bon, on fermait. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Oui, c'est sûr, il n'y a pas de succession. Oui, bien sûr. On l'a trouvé. Et ils sont deux frères. Tu as vu, je t'ai montré. Oui, la photo. La photo. Il y a deux garçons et trois filles. Ben, les cinq, ils travaillent. Ils travaillent dans l'usine. Dans l'usine, à des postes clés. Ben, je trouve que c'est bien. C'est très bien. Alors, comme c'est à elles, c'est les héritiers, ça. Les filles, les garçons. Le garçon, c'est lui qui a créé le site Internet. Lui, c'est un bon. Et c'est lui, grâce à lui, qu'on fait 33% de notre chiffre d'affaires avec Internet. Et c'est un bon. Hein. Il a bien ça. Moi, je n'ai pas d'Internet, je n'ai pas d'ordinateur. Dites donc, encore des nuits tranquilles, vous allez passer là, non? Vous allez passer encore des nuits tranquilles là? Ah ouais. On va faire des bons gueuletons. On va à un restaurant en Belgique, à Moucron. À Moucron, on va au Balthazar. Attention. Tout un programme. Tout un programme. Et là, il y a des cuisses de grenouille. Et là... Non, il y a les frites, là-haut. Tu vois. Tu vois, il y a... Moules frites. Ces gars, pour te dire, s'il y en a des bons, même en Belgique, c'est une ferme fortifiée. Tu sais ce que c'est qu'une ferme? Pas du tout, non. Une ferme, d'accord. Le portail, la cour au milieu. D'accord. C'est-à-dire que quand ils ferment le portail, ils d'accès. Sont chez eux. Ouais. Et là, les deux frères sont deux frères. Ils ont ouvert un restaurant qui s'appelle Balthazar. Ils font entre 300 et 600 couverts par jour. Et le service impeccable. Et des prix très, très, très... Accessibles. Accessibles. La bouffe, elle peut être que fraîche, hein, avec le débit. Alors nous, on va là, parce que Pierre Marin, là, le BDG, lui, c'est lui qui l'a découvert. Et depuis, il a sa table. Pratiquement réservée. Il est connu, c'est le plus vieux client de la boîte, hein, de la maison. Alors il est reçu, quand je vais y aller, ils vont nous offrir la bouteille. On est bien reçu. Valet et français. Ah ouais, je vous dis, vous avez de la viande, de la bonne viande. Isma. Alors on va faire des bons gueuletons. Puis c'est sympa. Je vais revoir tous mes anciens. J'ai des employés qui datent de la création en 83. Tout présent. Qui sont toujours fidèles. Ils ont toujours la boîte. Il y a la comptable, deux comptables, ouais, une femme et un homme. Il y a une chef de service, là, c'est celle qui fait les petits matelas pour bébé. Elle y est depuis tout le temps. Alors donc, on garde notre personnel, hein. C'est bien. Mais c'est qu'il est bien traité puis bien payé, finalement. Donc, oui, ils sont contents. Oui, on les paye normalement, hein. Non, on n'exploite pas trop, hein. Non, mais c'est bien. Puis une bonne ambiance. Et puis, tu vois, on leur dit... Il a mis une équipe en place au travail. Il dit, voilà, il y a Amazon qui a passé une commande de 6000 petits matelas. Il faut les livrer. Est-ce que vous prenez ou prenez pas? Ben, on prend. Oui, ça veut dire heures supplémentaires, samedi, dimanche, pour que les camions, le vendredi prochain, elles chargent. Parce qu'après, ils vont distribuer ça dans les sites d'Amazon. Ils entreposent. C'est le plus gros détaillant du monde. Amazon, oui. Et donc, il ne faut pas louper ce marché. Ils acceptent. Les gars, ils ont accepté de faire le travail, de venir le samedi, le dimanche, faire des heures supplémentaires. C'est leur travail, hein. Oui, c'est leur gagne-pain. Oui, bien sûr. Alors bon, c'est pas tous les jours, hein, ça. Oui, mais quand il y a un coup de collier, ils le donnent. Ils sont volontaires, ouais. Ouais. Oh, dis donc. On va rester là-dessus, Gilbert. Ouais. On va rester sur le volontarisme. Ouais, le volontarisme. Hein. Ils sont volontaires. Et puis tout va bien, finalement. Tout va bien. Le monde est content. Ah ouais. Vraiment. Le mot de fin, c'est quoi pour vous? Elle me dit que ça continue encore longtemps. Merci à tous ceux qui œuvrent pour la société Sweetco. Sweetco. Sweetco, ouais. C'est le nom de ma société. C'est, non, ouais. C'est une holding parce qu'on a 8 sociétés. Donc, la holding s'appelle Sweetco. Alors, diversification. Avant de nous quitter, Gilbert, je voudrais vous poser une question. Parce qu'en attaquant l'émission tout à l'heure, vous avez dit « Je me souviens avoir eu très faim ». Ah ouais. Je voudrais savoir, quand vous allez au restaurant ou même chez vous, quel est votre plat préféré? Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre assiette? Non, mais moi, j'aime tout. Alors, vous avez bien des préférences. Oui, moi, j'aime beaucoup la viande. Je suis un viandard. Ce qu'on appelle un viandard. Mais je mange tout, hein. Mais de principal, un tourne-d'eau. J'aime bien, c'est tendre. Maintenant, il me faut de la viande tendre. Parce que j'ai un peu de difficulté à marcher. Alors, mais on trouve. On trouve. Alors, c'est moi qui fais les courses. À Belliarde, et je vais aux paysans, aux fermiers paysans, là, le vendredi, et ils ont tout ce qu'il faut. La bonne viande, là, j'en prends pour la semaine. Allez. Si, c'est bien. Je me plains pas de ma retraite. Je trouve que j'ai une retraite bien. Bien active. Oui, hein, tout à fait. Vous avez une retraite bien active, hein, Gilbert. Oui, puis je suis occupé, hein. Je suis occupé. Et puis c'est bien comme ça. Je lâche, je suis au courant un peu de tout. Tu vois, je me laisse pas dans mon coin. Je suis la politique. Je suis pas d'accord toujours. Mais il faut vivre avec son temps. Hein. Et moi, je pense que on a rempli notre mission du jour. On est parti au maquis avec Maurice Dujou. C'était au mois de mars 1944. Il s'en est passé des choses. Hein. Depuis. Et on reste là, Gilbert. Et parce que c'est une belle conclusion, celle que vous venez d'évoquer. On va en rester là. Ouais. On va aller boire un coup parce que vous devez commencer à avoir soif, non? Oui. D'accord. Oui. Eh bien, on va y aller. Vous étiez Gilbert Tonin, notre 142e figure de notre région. Merci infiniment d'être venu nous parler de tout ça. C'est passionnant. Merci à Ludo qui a réalisé l'émission. Merci Guy. Et à très très bientôt. Cette émission va être rediffusée dimanche prochain. Merci. À très bientôt. Et bonne continuation. Oui. Merci. Merci encore Gilbert. On va encore essayer tant qu'on peut. Hein? On fait face. À très très bientôt. Merci. Merci encore.